tous. On débute ce journal avec un mot de la météo de ce mardi 4 décembre. Début de journée sous des lignes d'averse traversant la région du nord au sud. Puis en fin de matinée, plus sèche avec des éclaircies. Les températures minimales sont comprises ce matin entre 7 et 9 degrés. Beau moment ensoleillé cet après-midi, puis arrivée d'un voile par l'ouest avant une dégradation pluvieuse dans la soirée. Les températures maximales de l'après-midi seront comprises entre 10 et 14 degrés. Demain, mercredi ensuite, ciel nuageux et pluvieux sur toute la Normandie et de 7 à 13 degrés. Même couleur pour le ciel de jeudi et de 10 à 14 degrés sous la pluie. Puis on verra encore des pluies vendredi, samedi et dimanche. Mais parfois en alternance avec des éclaircies, il fera un peu plus frais. Pas plus de 11 ou 12 degrés. Pour la troisième semaine consécutive, les Gilets jaunes étaient mobilisés en Normandie. Ce troisième samedi a été marqué d'une évidente radicalisation du mouvement. Les forces de l'ordre sont intervenues à de nombreuses reprises et parmi les points de blocage dans l'heure, ce lundi, à Pont-Audemer, le rond-point de Décathlon était encore bloqué par les Gilets jaunes qui empêchaient surtout les poids lourds de passer. À Brionne, les poids lourds étaient également bloqués par les Gilets jaunes. À Nonancourt, le rond-point des Anglais était concerné. Et puis à Igoville, il y avait des ralentissements également. Au 17e jour de cette mobilisation, les Gilets jaunes, rejoints par les dockers du port du Havre, bloquaient hier matin l'accès au terminal Ruby, l'un des plus importants dépôts de carburant de la région en Normandie. Aucun camion ne pouvait passer le barrage des manifestants et sur tout le territoire, les blocages de raffineries se multiplient avec la convergence des luttes Gilets jaunes-Gilets rouges. Le réapprovisionnement des stations-service était donc incertain sur toute la région Normandie pour les jours à venir. Le site internet monessence.fr répertorie minute par minute les stations-service touchées par la pénurie d'essence et de gasoil. Quelques stations sont en rupture de stock partiel en Seine-Maritime et dans l'Eure. Près de 30% des nourrissons seraient concernés chaque année par la bronchiolite. Cette affection virale respiratoire touchant les enfants de moins de 2 ans survient à partir de la mi-octobre et ne disparaît qu'à la fin de l'hiver. On est donc en plein dans la saison et selon les chiffres publiés la semaine dernière par Santé Publique France, une agence nationale sous tutelle du ministère de la Santé, la Normandie est passée en phase épidémique comme la Bretagne, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tous les indicateurs montrent d'ailleurs une progression du virus sur tout le territoire national. Le premier symptôme est une rhinite claire accompagnée par une toux. C'est d'ailleurs cette toux qui constitue le motif principal de consultation médicale. Ces deux symptômes sont accompagnés d'une fièvre modérée et de difficultés alimentaires. Dans la plupart des cas, la bronchiolite est une maladie bénigne, mais elle nécessite une certaine vigilance, notamment chez les plus petits qui ont du mal à évacuer les sécrétions bronchiques et ont besoin de kinésithérapie respiratoire. À partir de la fin octobre, le réseau Bronchiolite Normand, un réseau fédérant des kinésithérapeutes, met en place des gardes les week-ends et jours fériés pour les enfants atteints de bronchiolite ou d'asthme jusqu'à 3 ans. Une trentaine de praticiens sont ainsi mobilisés chaque week-end sur toute la région pour accueillir et soulager ces petits patients. Un numéro d'appel unique pour toute la Normandie est disponible pour trouver un kiné de garde 02 35 71 70 82. Faudra-t-il bientôt amener son papier dans les agences Pôle emploi pour imprimer son CV? C'est en tout cas ce qui a été retorqué à Céline, une demandeuse d'emploi dans son agence d'Évreux. Une employée de l'agence a affirmé à la chômeuse que Pôle emploi ne donnait plus de papier aux demandeurs pour des impressions ou des photocopies pour une question de coût et d'abus trop fréquents. Après avoir insisté, Céline a toutefois réussi à obtenir une feuille. Pôle emploi a réagi, affirmant que les imprimantes et les photocopieuses étaient toujours en accès libre et que le papier pour les impressions restait fourni. Du côté des faits divers, un habitant de Francheville a été déféré la semaine dernière devant le tribunal correctionnel d'Évreux pour être jugé en comparution immédiate. Cet homme de 36 ans est poursuivi pour violence volontaire aggravée envers sa conjointe âgée de 34 ans. Dimanche dernier, vers 22h, il a été interpellé par la brigade anticriminalité sur le parking du gymnase Pablo Neruda dans le quartier de la Madeleine à Évreux. Il venait de gifler et frapper sa compagne au visage devant leurs enfants. Un témoin ayant entendu les cris de la mère de famille a alerté le 17. L'auteur des violences a été placé en garde à vue. Il a été déféré devant le magistrat du parquet d'Évreux. La victime a déposé plainte et fourni un certificat médical faisant mention de 2 jours d'incapacité totale de travail. Une femme a été arrêtée par la police pour violence volontaire aggravée. La victime est son compagnon. Le samedi 24 novembre, peu avant 17h, la brigade anticriminalité du commissariat d'Évreux a été appelée à intervenir au domicile d'un couple rue du Coudray à Évreux où un différend conjugal avait éclaté. Lors de la dispute, la femme a frappé son concubin avec un couteau et l'a blessé à la hanche. Des blessures qui ont nécessité 4 points de suture. Les jours de la victime n'étaient pas en danger. La femme âgée de 35 ans a donc été interpellée sans opposer de résistance et placée en garde à vue. Elle était en état d'ivresse et a refusé de se soumettre au dépistage d'alcool. Elle a fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur pour le 11 février prochain. En vue d'un rappel à la loi, le compagnon n'a pas souhaité déposer plainte. Très belle journée sur Festal.

This house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth, caught into the beast, out of world without the peace, face a bit of the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood in my head, won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear, I'm gonna make it. I'm gonna Mardi 4 décembre, vous êtes sur Cristal, j'espère que ça va. Je sais que vous êtes déjà nombreux à bosser ce matin. Je pense aux éboueurs, au personnel d'entretien, tous ceux qui bossent dans les hôpitaux aussi, les chauffeurs-livreurs, les chauffeurs de taxi. Voilà, tous ceux qui travaillent aussi sur les routes. Certains d'entre vous partent peut-être tôt pour continuer à manifester. Bon courage pour cette journée qui devrait être plutôt agréable en Normandie, hein, après les pluies d'hier. Voilà, il est bientôt 6h, la météo, on y reviendra bien sûr. La suite avec Robin Schick, l'info et votre horoscope, c'est avec Alexandra. Salut Alex. Bonjour à tous, belle journée ce matin. mardi 4 décembre. L'horoscope des béliers, très mobile. L'envie de voyager ou du moins de partir loin de votre décor habituel vous saisira. Taureau, accordez-vous de temps en temps des plages de farniente. Ne rien faire peut être aussi bénéfique pour récupérer. Ne ratez pas le coche, les gémeaux, l'amour peut apparaître avec un partenaire éloigné de vos profils habituels. Fleurs bleues, les cancers, poètes, à vos heures perdues, vous devrez vous prémunir contre les excès d'émotivité. Lion, si vous vivez en couple, vous n'hésiterez pas à abandonner votre conjoint à son sort et à vous échapper. Vierge, en ce mardi, vous risquez de vous sentir un peu seul et mal compris. Balance, suivez votre intuition en évitant les rabat-joie. Les scorpions, amis célibataires, vous envisagerez de changer totalement de cap. Vous en aurez assez de voir toujours les mêmes têtes. Ne vous forcez en rien, les sagittaires, il serait inutile de vous faire violence. Capricorne, c'est clair et net aujourd'hui. Vous savez exactement ce que vous avez à faire pour la journée. Hein, tout baigne. Tout est possible, les Verseaux, vous débordez d'imagination pour rendre la vie plus douce à votre moitié. Les poissons, un engagement est pris pour l'avenir. Il peut être question d'une nouvelle vie à deux qui démarre. Excellente journée à tous. Everybody get up. Not many women can refute it, pimpin'. I'm a nice guy.